d'origine kanak, par exemple. Mais bon, c'est peut-être de faire cette analyse. Voilà. Donc, certains sont allés déjà, connaissent la Nouvelle-Calédonie ou pas du tout. Donc, j'ai mis, je suis géographe de formation, je vous ai mis quelques cartes. Comment je descends ? Voilà, c'est là. Donc, j'ai pas toujours, j'ai fait le diaporama ces derniers jours, hein, j'ai pas toujours, je dirais, légendé la documentation par image. Trouver un planisphère. Bon, la Nouvelle-Calédonie, on est ici, à l'est de l'Australie, au nord de la Nouvelle-Zélande. 24 heures minimum d'avion incompressible. Donc, je repère exactement pour aller la sonnette. Est-ce que ma touche sur l'ordinateur ne marche pas? Et donc, je peux discuter aussi, oui, en introduction un petit peu de mon titre, parce que vous m'avez demandé, c'est moi qui ai proposé hein, de faire quelque chose, histoire de vous rencontrer aussi, tout cela, puis de faire un point d'étape avec sur mon travail. J'ai mis mélanésien, bon, aucun adjectif n'est correct, donc, bon, la Mélanésie, il y a trois aires géoculturelles qui ont été définies au cours du 19e. La limite est orientale a fluctué. Mais donc, les îles noires, les personnes à la peau noire, ça inclut. Donc ici, la Nouvelle-Calédonie, mais aussi les anciennes Nouvelles-Hébrides, Vanuatu, les Salomon. On a Fidji, mais il y a beaucoup de Wallisiens, en fait, en dehors de l'île de l'archipel de Wallis et Futuna. Il y en a même davantage en Nouvelle-Calédonie que sur leur propre archipel. Ça doit être 21 000 en ce moment, contre 14 000. Donc, bon, Mélanésiens... ça correspond pas trop. J'ai pas mis non plus Kanak parce que pour le peuple premier, quand d'abord James découvre l'île en 1700, enfin découvre oui, la coste en 1774, il y a un peuple qui est là, enfin un peuple des personnes, et donc voilà. Appelé Kanak, parce que Kanaka, il est accompagné de marins polynésiens, Kanaka, premier homme. C'est Kanak, après, pour les colons français, avec la graphie C-A-N-A-Q-E, donc qui était un mot plutôt péjoratif, et on a préféré à un moment donné indigène ou autochtone. Et le mot Kanak, avec la graphie actuelle, K-A-N-A-K, donc c'est dans les années 70, dans le cadre d'une reconquête de l'identité kanak, que le mot est devenu d'usage courant. Et selon l'accord de Nouméa, 98, donc, j'utilise dans mon travail le mot invariable, sans accord en genre et en nombre. Donc, l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, enfin récente, donc une colonie française, donc découverte par les Britanniques, mais ils n'ont pas pris possession de l'archipel. Et puis, c'est donc ici, du côté de Abala, au nord de Pueblo, ici, que James Cook donc, avait touché cette grande île qu'on appelle la Grande Terre depuis. Et il faut attendre après 1853 pour que ce soit donc la France qui prenne possession du temps de Napoléon III, donc, de l'île, enfin de l'archipel. Et voilà, nous on va s'intéresser ici, c'est le découpage. Donc depuis, il y a eu, oui, bon, enfin, je réalise très vite, une colonie, donc à la fois de peuplement, on peut dire un peu, et d'exploitation, parce qu'on a découvert très vite aussi du nickel, une des grandes richesses de l'île. Et le territoire a changé plusieurs fois donc, de statut. En 1946 seulement, les Kanaks sont libres de circuler et ont un vrai droit à la ville, parce qu'avant, c'était le temps du cantonnement. Et certains pouvaient venir en ville avec des contrats, mais en fait, c'était plutôt rare. Et 1988, bah, après 4 ans d'une période trouble appelée les événements, une guerre civile, hein, vous avez sûrement quand même entendu parler. Donc, on a un archipel découpé en trois provinces, donc Sud, Nord et les îles Loyauté. Donc, je passe pour arriver au cœur du sujet après. Donc, le dernier recensement, il date de 2014. Et contrairement à la France, là, on a une question qui porte avec 9 options possibles sur l'ethnie, sur la communauté d'origine. Bon, sinon, on a 2 communautés principales ici de l'histoire, avec un rapport, grosso modo, 44-34%. Donc, 44% pour la population kanak. Et avec les personnes métissées, on atteint du 44%. Et pour les Européens, au dernier recensement, 27,2% population métissée ajoutée, ça fait 34%. Bon, il y a une dernière catégorie, enfin, il y a une nouvelle question au dernier recensement où les personnes pouvaient choisir d'être néo-calédoniens aussi. Alors, le fait qu'ils choisissent, mais bon, a priori, plutôt les Européens qui ont choisi ça, les Kanaks se définissent comme Kanaks, et les autres selon les communautés. Donc, c'est au détriment certainement des Européens. Forte ségrégation socio-spatiale, donc dans l'agglomération du Grand Nouméa, on va voir, j'ai mis une carte, vous allez voir à quoi ça correspond. Les deux communautés, ah oui, je ne vous ai pas dit, mais 46, donc ça devient un TOM, hein, territoire d'outre-mer, et là, bon, c'est un pays en voie d'émancipation, qui a un statut tout à fait particulier. Et donc les deux communautés principales, en fait, enfin, mon sentiment, mon analyse, c'est que, et après avoir vécu 4 ans plus les étés, je suis retournée, il n'y a rien qui a vraiment changé. Ces deux communautés qui sont juxtaposées, quoi, et pas vraiment. Pas de métissage culturel. Et puis, une agglomération où le foncier est rare et très cher. Les prix à la location à la vente, c'est de l'ordre de Paris, hein, ou de la Côte d'Azur. Donc c'est un gros problème. Se loger à Nouméa, quand on n'a pas les moyens, on est embêté. Alors peut-être à vous dire aussi, j'ai mis une diapositive sur le concept de la Terre. Ben, rien à voir entre la conception occidentale et puis océanienne. Puis bon, se pose là-dessus la question de à qui appartient la Terre à Nouméa. Une réforme foncière s'est amorcée à partir de la fin des années 70-78, avec restitution donc des terres accaparées par les colons. Mais dans les textes, c'était déjà 30 ans, une ordonnance de novembre 85 proclame qu'aucun droit d'usage coutumier ne peut être reconnu sur le domaine public et les zones urbanisées. Donc ça exclut Nouméa et... Donc, quelque part, la ville-centre et puis les banlieues et le périurbain est exclu d'une possibilité que des terres soient cédées à la population première. Et donc là, l'État français, jusqu'à présent, donc, garde la mainmise sur le foncier urbain. Bon, une question, j'ai pris une diapositive, mais justement, un des éléments de mon travail, une des problématiques, c'est en quoi le squat n'est pas aussi un des éléments pour reconquérir la terre en milieu urbain. Alors bon, deux conceptions, les occidentaux, c'est un bien, la terre est possédée par l'homme, on peut la vendre, la céder. Les colons l'ont accaparé en Nouvelle-Calédonie, NCLU. Ils ne l'ont pas payé et ils l'ont transformé en titre de propriété. Dans la civilisation océanienne, pas seulement canal, on voit ça dans les îles archipels autour. Donc l'homme, par l'intermédiaire de son clan, c'est lui qui appartient à la Terre. Et la Terre est très importante dans la question de l'identité. Et en milieu urbain, on peut voir, bon, c'est une diapositive, il n'y aura pas après, mais d'un squat aussi où j'ai fait des entretiens. Eh bien, on voit régulièrement ce genre de panneaux et de revendications. Bon, j'ai l'Atlas de Nouvelle-Calédonie. Là, je vous ai mis une planche. Il est paru en 2012. Mon directeur de recherche, oui, je ne vous l'ai pas dit, c'est un géographe. Enfin, je n'ai pas une co-tutelle ou quoi, une co-direction. C'est Jean-Christophe Gay, professeur des universités, géographe. Et qui était présent en même temps que moi, en partie, pour co-diriger l'Atlas qui est ici en référence. Et Jules Pestania, c'est un collègue, un maître de conférence en géographie que j'ai bien connu, que j'ai revu à une soutenance en novembre dernier à Paris. Car. Donc là, c'est une carte qui localise aujourd'hui les différents squats, il y en a une vingtaine. Donc, Nouméa, une presqu'île très découpée. Et je passe à la suivante. Ça, c'est également la même zone, mais justement le travail de Dorothée Ducy, puis les articles qu'elle a pu faire paraître dans la même période. Eh bien, en noir, les taches sont comme des enclaves dans le milieu urbain. Donc, celui-ci a complètement disparu à la fin des années 2000. Et c'était le squat dit Soweto. C'est une personne auprès de qui j'ai enquêté qui l'avait nommé ainsi par référence à l'Afrique du Sud. Et celui-là, c'est devenu un grand projet donc d'habitat social. Donc mes 67 entretiens, je les ai faits un peu partout, donc je vous dirai après. Et notamment là, le long d'une route, la Save Express ou la RT1, qui mène du centre-ville vers Paita, l'aéroport. Donc, à quoi ça ressemble un squat? Oui, mon mot, ça fait peut-être déjà dit, ne cache pas. Voilà une photo aérienne oblique qui montre justement, dont je vais vous reparler, parce que c'est un squat qui a fait l'objet, là, entre les travaux ont commencé quand je partais, janvier 2013, et se sont achevés en 2015. Une grosse opération de réhabilitation de l'habitat. Et donc, ici, c'est le sud, hein, ici, vous avez le lagon, et vous allez vers le nord en direction de la Tantuta. J'ai rencontré plusieurs personnes ici, y compris un homme aujourd'hui décédé l'année dernière, au mois de mai. Donc un Kanak qui a été un intercesseur important, il m'a permis de rencontrer pas mal de personnes d'ailleurs. Enfin, c'était du donnant-donnant, on pourra discuter après. Enfin, je veux dire, il y avait don et contre-don. Et donc à l'époque, là, vous voyez des accès. Normalement, le squat, vu qu'il est juste toléré et pas voulu par les autorités, eh bien, voirie, c'est de la piste, et donc il y avait les squatteurs, pour se simplifier la tâche, ils avaient des accès directs sur la voie express, bon, avec des accidents mortels. Alors que maintenant, je n'ai pas de vue aérienne récente depuis le projet, il y a un accès là, dans la bretelle, qui permet de rentrer, de sortir en toute sécurité. Il y a aussi des abribus pour attendre le bus dans la secte. Voilà, donc ça, c'est, on y reviendra, j'ai mis d'autres vues. La mangrove, avant les restructurations, certaines des cabanes, donc pouvaient être tout près de la mangrove, là, et donc, c'est pas les grandes marées comme en Bretagne, hein, mais il y a quand même un petit peu des marées, donc un risque d'inondation aussi, notamment avec l'aléa cyclonique, le dernier cyclone 2003, il y a eu des dégâts matériels, et pas, enfin deux morts je crois, mais pas, c'est qu'il y a eu une mauvaise prévision et les gens étaient dehors et pas chez eux quand il y a eu des petits soucis, mais rien de, pas de grand gros cyclone dévastateur depuis 2003. Et donc ça, c'est inversé, hein. Ici c'est la bretelle par laquelle maintenant se fait, par laquelle se fait la... Bon, ça c'en est un autre, l'accès. Donc, ça c'est la piste de l'aérodrome Magenta construit par les Américains en quelques jours ou semaines, quand ils arrivent en 1942. Ça c'est une terre revendiquée par les coutumiers et le squat de Tina aussi, toujours là, lui, une piste pour accéder à l'intérieur. Et puis ça passe, on passe une colline et. Et derrière, on a l'arrière du centre Chiba. Donc, une presqu'île chère à mon cœur, une ville. C'était une île jusqu'à temps qu'ils construisent un terre-plein et qu'il y ait un pont. C'est dans cette presqu'île de toutes les convoitises parce qu'elle est tout près du centre-ville. Vous avez ici la prison, le camp Est, et puis les squats de part et d'autre, là, de part et d'autre. Et vous avez le lycée où je travaillais était ici. L'université de la Nouvelle-Calédonie est ici, elle a une vue plus loin. Et puis, donc, un gros. Des squats, plusieurs squats, hein, avec des noms, radar antenne, j'ai pas mal de photos là. Qui fait le tour comme ça. C'était avant une piste, et puis en 2011, il y a eu les Jeux du Pacifique, donc ils ont bitumé. Et pour ralentir les voitures, parce que c'est un classique, quand on fait des routes plus droites, plus élargies et bitumées, alors on dit coltaré là-bas, les voitures foncent, et donc avec des enfants, c'est dangereux, donc il y a des ralentisseurs partout. Un centre hospitalier spécialisé, et puis ici, aussi plus récemment, ben, des squatteurs qui sont installés. Donc voilà à quoi ça ressemble, un squat aussi. Donc pour moi, c'est. Bon, il y a un cas de figure plus loin, enfin ailleurs où je n'ai pas mis de photo, où on pourrait évoquer le mot bidonville, mais pour moi, ça n'en est jamais. Quoi. Donc il n'y a jamais de d'entassement, de surpeuplement. Donc les conditions d'hygiène, ben, par rapport à nos normes françaises ou européennes, on peut discuter, mais parfois quand les personnes ont quitté la brousse ou les îles, le Vanuatu ou quoi, bon, ce qu'ils trouvent là, ça ressemble à ce qu'ils ont quitté. Et... Donc là, maintenant, c'est plus une piste, hein, c'est une route depuis 4 ans. Voilà l'université de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, sur les collines, vers l'extrémité, alors là, sans eau, bah, des clairières sont défrichées et puis les gens sont installés. Avec la revendication, c'est la couleur drapeau de la Nouvelle-Calédonie. Et puis là, c'est une photo déjà ancienne, j'ai vu la faire seulement en 2012 avant de partir, et là au-dessus, il y a de nouvelles cabanes. Donc on voit, là c'est au détriment, au dépend de la forêt sèche. C'est défriché, alors eux ils disent débroussé, à la baramine et à la pioche, on trouve bah, des gaillacs, arbres de mimosa, des choses comme ça. Par contre, dès que vous voyez, parfois on ne les voit pas trop parce que les squats, ils sont un peu cachés. Quoi. Ils tournent le dos à la ville, sur des pentes, près de la, enfin, sur des scories, de la mine. Mais il y a toujours, quand on voit des bananiers, tout ça, une des premières choses qu'ils font, c'est une fois qu'ils ont construit un toit, c'est aussi d'avoir un jardin autour et de cultiver. Donc oui, cette diapositive, donc pour le squat, on retient un lieu public ou privé habité sans droit ni titre, une occupation illégale, selon le droit français. Mais bon, pour les Kanaks, se posent d'autres questions pour les autres communautés, mais pour les Kanaks, ce n'est pas illégitime, c'est la terre de leurs ancêtres, et ils ont tout à fait le droit d'être là. Alors on dit aussi, on voit souvent habitat spontané, informel, précaire. Il faudrait faire une analyse des discours, mais bon, il y a plusieurs. Les squatteurs eux-mêmes, quand le mot est apparu au début des années 90, parce que là, bon, je n'ai pas mis de document, mais l'agglomération de Nouméa a toujours été très attractive dans l'entre-deux-guerres, après-guerre, mais il s'est surtout développé, le phénomène a implosé au lendemain des accords de Matignon-Oudinot en 1988. Donc les gens qui habitent, pour eux ce sont des cabanes, la maison, des habitations. Le mot squat, c'était bon, les autorités, hein, la presse, les médias, les chercheurs. Bon, maintenant c'est plus rentré dans les mœurs et puis bon, ça passe, mais quand même, tout dépend aussi le ton, la phrase, là, comment on dit, mais bon. Tout le monde dit un peu squat maintenant, on sent que ça pose vraiment problème. Ça peut être ça, hein, un squat là où j'ai fait une enquête. Autoconstruction, donc matériaux de récupération, toit en tôle, et en tout cas toujours de la végétation autour. Alors, on pourra discuter peut-être après, si vous voulez, de ma problématique ou quoi. Bon, je m'intéresse permanence et renouveau, hein, par rapport à ce qui a été quitté en tribu. vous me demanderez peut-être aussi la tribu. Bon, enfin, c'est par rapport à un ancêtre commun, c'est la famille, quoi. Alors la famille, c'est très très élargi. Nous, la famille, c'est bon, on en fait vite le tour. Là-bas, on est toujours famille, quoi, quelque part. C'est que la prise d'espace, elle a toujours précédé la prise de parole, quoi. Donc quand le mouvement s'est développé, là, 88-90, ben, ils vivaient dans des conditions bon, difficiles. Il y a aussi, bon, on pourra discuter après, peut-être une problématique de genre. Les femmes sont plus attachées à rentrer dans du logement normé, avec des enfants, pour des problèmes d'hygiène, pour peut-être avoir plus l'œil sur leur mari, leur conjoint, leur compagnon. Bon, il y a une problématique générationnelle aussi. Bon, les jeunes, c'est assez difficile parfois de trouver des adolescents. Et d'ailleurs, quand j'ai évoqué le sujet dans mes cours, c'est pas là que j'ai eu mes contacts et tout. C'était une question quand même assez taboue de dire j'habite en squat, j'ai un retrait. Bon, c'est, je vous ai dit, un acte quand même assez citoyen, militant de ma part. Bon. Donc, les nombres d'habitants, je vous ai pas dit aujourd'hui, vous ne savez pas écrit. Aujourd'hui. Enfin, le dernier recensement, bon, on peut douter des chiffres, hein, donc il y aurait 4200 squatteurs dits permanents. Alors, c'est lors de l'enquête en septembre 2014. Pour nos villes, je sais, hein, parce que bon, c'est quelqu'un bon, que je connaissais qui a pu m'en parler aussi un peu, et puis une femme qui habite, qui a participé au recensement. Bon, ils sont allés voir une fois, deux fois, trois fois, si la porte était fermée. Pas trop assisté, donc le 4002. Pour les autorités, c'est fiable. Et puis en pleine période quand même préélectorale, on ne se pose pas trop de questions. Bon, il y en avait quand même officiellement 10 ans plus tôt, au RGP, c'était 6000. Donc il y aurait 30% en moins sur des permanents. Bon, ce qu'on n'aura pas le temps de voir là, c'est qu'en fait, il y a comme un élastique aussi avec la tribu, et il y a des problématiques multirésidentielles, quoi. Les gens, en fait, sont très mobiles. Alors, le thème étant aussi la lutte, hein, des squatteurs pour un logement décent. Donc, ils arrivent, a priori, c'est un peu, même si les histoires sont toutes différentes, c'est à peu près toujours la même chose. On m'a beaucoup parlé de motivation économique, quoi, de trouver un travail. Bon, il y en a d'autres aussi, bon, derrière, mais... Et donc, très vite, quand ils sont là, avant que ce soit complètement organisé, il y a un comité de soutien et de défense des squatteurs qui se met en place. Donc, la prise de parole vient après la prise d'espace. Bon, on m'a parlé dans l'ancien squat là, que je vous montrais vraiment dans les quartiers sud de Soweto. C'était en plein pendant les événements, pendant les années 85-86, hein, qu'un comité de soutien s'était monté. Parce qu'il y avait quand même un vrai risque que les bulldozers arrivent et démolissent la maison, chassent les personnes. Et donc il y avait la nécessité de se fédérer. Et l'association qui est très importante, c'est l'année 92, la DLD pour... l'association de défense pour un logement décent qui apparaît là, en 1992 et qui va fédérer tout ça. Donc il y avait, oui, peu d'associations, je parlais d'un comité, pas de parti politique à défendre les squatteurs, c'était pas une priorité du tout. Alors tout de suite, le double objectif, ça a été de défendre la dignité des familles installées là. Comme je vous disais, le terme squat en 92, il est récusé par la plupart des personnes. C'est leur mode de vie, ils squattaient autour du curé. Bon, donc c'est pas un terme qui leur convient du tout. Et l'idée de l'association, hein, la DLD, c'était qu'il fallait dramatiser la situation, hein, pour interpeller les pouvoirs publics, plus mener un combat sur le plan social. Donc ce combat, c'était d'abord, avant tout, avoir un toit, bon, mais avoir l'eau. Et donc aujourd'hui, bon, il y a des squats où il n'y a pas l'eau, où il y a des problèmes après de gestion, mais ça a été vraiment une conquête importante, ça, d'avoir l'eau. Ça n'a pas été effectif tout de suite, ça a pris souvent 2-3 ans. Hein. En 1995, une vingtaine d'endroits avaient l'eau, Et donc là, cette photographie-là, le squat de Nouville, bah, il est long, hein, il fait moins un kilomètre, donc il y a deux compteurs généraux à chacun des accès. Et à partir du compteur généraux, on voit, je ne sais pas si ça c'est un tuyau, mais sinon on voit. Ce sont. Alors la mairie a fait un travail après à autoriser, là-bas c'est la Calédonienne des Eaux, à Dumbéa par exemple, la Lyonnaise, une filiale de la Lyonnaise, à ouvrir des bouches d'eau avec convention avec l'association. Et l'idée, donc, c'était, bon, après que les personnes s'organisaient à l'intérieur, parce que si la facture d'eau n'était pas payée, bon, l'eau était coupée. Et le matériel, puis même l'enfouissement, ce qu'on s'était inspiré, c'est les squatteurs eux-mêmes, hein, qui ont acheté le matériel pour les tuyaux. Alors là, je ne sais pas, celui-là, il est pris ailleurs, hein, il n'est pas à Nouville, c'est à Sakamoto, un autre endroit. Mais bon, parfois, petite section, moi ça ne me parle pas, on est 32, donc c'est des petites filiaux. Et ceux qui sont parfois en haut, où bon, il n'y a pas toujours la pression, il n'y a pas l'eau et tout. Mais bon, l'eau est arrivée globalement au milieu des années 90. Ou parfois, il y avait une cuve et puis un camion qui venait la remplir et tout. Donc là, j'ai mis ce tableau-là justement. Comment ils se sont organisés, la presqu'île de Nouville, c'est que, bon, entre les piratages, les fuites, bah, ça faisait des factures parfois considérables à payer. Donc, une des personnes m'a confié là, ce papier. C'était, ils s'arrangeaient, et un chef de lot, quoi, pour chacune des parties, et plutôt que de faire payer l'eau à prix coûtant, puis il y avait toujours des soucis avec quelques-uns, en fait, ils ont mis un prix. Forfaitaire au mètre cube. Donc un compteur général, des compteurs subdivisionnaires, et parfois qui comprennent plusieurs maisons, hein, et puis un prix de 200 francs. Alors c'est parité fixe, hein, 1 euro égale 119 francs 33. Et puis, bon, dans des squats, ça se passe pas mal, mais c'est autour de ça aussi que régulièrement il y a des conflits, quoi. Derrière l'harmonie, parfois il y a des conflits sur la question de l'eau. Alors sinon, l'eau c'est à peu près réglé partout, hein, enfin très vite. Et donc la question, la voirie, ben, la voirie c'est illégal, donc la mairie, il n'y a rien, c'est des pistes et très vite. Parce que c'est une région, un endroit où il pleut au moins autant qu'en Bretagne, voire plus. Donc ben, vous avez tout de suite des ornières, choses remplies d'eau, et c'est aussi les personnes eux-mêmes qui, s'il y a besoin, ils s'organisent et puis ils font venir des camions de gravier ou quoi pour boucher, parce que très vite c'est impraticable. Hein. Moi j'avais aussi une petite voiture, là, de passer plus loin. Alors, bah parfois c'est bitumé, coltardé. Là, justement, le squat dont je vous parlais, la première photographie aérienne et que j'ai montrée, eh bien, je vais vous parler de ce projet-là, Peyo pour presqu'île océanienne. Eh bien, les voies ont été élargies, deux gabarits, les routes principales 6 mètres, les autres 3,50. Et c'est des travaux qui ont été réalisés là, entre janvier 2013 et 2014-2015 pour les finitions et des ralentisseurs. Alors ce projet, et bon, on ne sait pas trop encore, enfin, quand je suis allée l'année dernière, tout avait été posé, on ne savait pas est-ce que ce serait vraiment un succès ou pas. Bon, ce qui ressort quand même des personnes avec qui j'ai parlé, c'est que les gens ont pris l'eau, l'électricité, et puis plus rien, quoi. Donc, ils ne viennent plus aux réunions, ils n'ont pas adhéré à la DLD qui était derrière, qui a poussé le projet et tout. Bon. Puis vous allez voir des photos. J'étais même étonnée là, en mettant quelques-unes, parce que je ne les avais pas confrontées. Et en un an, bon, il y a des soucis. Là, ce n'est pas tout à fait encore le projet. Je voulais vous montrer avant de. C'est très souvent, c'est un classique en Asie Pacifique, hein, mais des dépotoirs. Et ça, c'est à l'entrée, à la limite d'un squat. Et ce n'est pas forcément les squatteurs eux-mêmes, hein, qui mettent des choses. C'est aussi les gens en profitent pour aller balancer, donc, comme des charges publiques. Mais bon, ça fait partie du marquage. Là, un squat caillou bleu, il a parfois des peints différentes couleurs, et puis aussi très souvent des carcasses de voitures, c'est un classique. Peut-être que je vais vous parler de la chaleur. Donc, avant de vous montrer, oui, qu'est-ce qu'il a. Parce que je vais retourner, je ne pourrais pas tout développer. Le projet, c'est un projet pilote, et pour certains, ça devrait peut-être être ça, la ville océanienne de Londres. Parce qu'en fait, Nouméa, c'est une ville, le centre-ville, c'est à l'époque coloniale, quoi. Donc, en damier, le plan de Coffin. Bon, les anciennes maisons, elles ont terminé, la plupart ont disparu, et on voit. Il n'y a pas tellement d'immeubles très hauts, mais bon, ce sont des immeubles 4-5 étages, ce qu'on trouve partout, quoi. Ça n'a rien d'océanien. Dans l'architecture, la seule architecture un peu océanienne, c'est les centres comme Jibao, où Renzo Piano a réfléchi, il y a l'idée de la case qui est reprise et tout, ou l'autre centre culturel, mais sinon, c'est ce qu'on trouve partout dans le monde, il n'y a rien d'extraordinaire. Et donc, là, c'était l'idée d'un village, voire d'une ville océanienne. Donc, il y avait un squat, hein, on l'a vu, je vous l'ai montré. Et donc, financé aussi par l'État français, comme à l'époque la ministre était venue, là, Madame Pacha, avec une dotation de l'État, ça a joué à 800 millions de francs pacifiques. Et c'est un projet qui entoure la province sud et là, elle peut mettre aussi au bout 1 milliard de francs pacifiques. Et un homme politique à l'époque, en 2011, Pierre Frogier, hein, RPCR, donc président de la province sud, qui a initié aussi ce projet pour améliorer la condition de vie des personnes. Donc sur la commune, là on est sur la commune de Dabéa, donc au nord de Nouméa, sur une superficie de 17 hectares. Alors c'est un terrain. Oui, je ne vous l'ai pas trop dit, je crois. Avoir un tout petit squat qui est encore sur un terrain privé. Aujourd'hui, les squats sont sur des terrains, des domaines publics. Alors, ça peut être l'armée, la mairie de Nouméa, la province sud. Et là, c'était un terrain du Fonds social de l'habitat, un des bailleurs sociaux. Et pris à bail amphithéotique par la province sud, sur moins 20 ou 25 ans, je ne sais plus, là, j'ai pas. Et comme on l'a vu, bordé par la mangrove. Donc, une étude avait été faite avant, une enquête, hein, aussi sur le milieu, la faune, la flore, tout ça. Bon, il y avait encore, 2011, avant que le projet soit lancé, 182 constructions, quand même, 182, et 214 familles. Donc, l'enquête montrait que seulement 42% des ménages avaient des voitures. Mais ça aussi, c'est une problématique. Bon, je ne rentre pas là-dedans dans mon travail. Mais dans mes 67 enquêtés, j'ai 2/3 de personnes qui n'ont pas de permis et n'ont pas de voiture. Donc, c'est un gros problème parce que Nouméa, c'est pas Rennes. Paris, il y a 3 réseaux de bus qui sont pas complémentaires complètement. Il faut payer à chaque fois. Et parfois, on se déplace dans l'agglomération, dans la journée, ça coûte plus cher que d'aller à 500 km à l'autre bout sur la côte est. Bon, donc c'est un gros problème, la question des transports. Donc, ce qu'on constate là et ailleurs, c'est que 53% des personnes en âge d'être actives travaillent. Donc, les squatteurs ne sont pas des gens sans travail. Ils travaillent, bon, parfois au noir, mais bon, il y a du travail, c'est pas le problème. C'est qu'avec un salaire minimum garanti là-bas, ce qui équivaut net à environ 1 000-1 100 euros, ben là-bas, à Nouméa, on ne peut pas vivre, quoi. Parce que la vie, elle est. Les fonctionnaires sont indexés à Nouméa, à Grand Nouméa, de 73%, sans compter bon, les primes de départ, de ceci, de cela. Et avec 1 000 euros, ben, soit on se loge à la limite, soit on mange, mais on ne peut pas faire les deux, et surtout si. C'est plus des familles de 6-7 enfants, hein, mais même avec 2-3 enfants, il y a des choix à faire, quoi. Ou alors, il faut rentrer dans le logement social. Mais le logement social, aujourd'hui, c'est 6-7 000, ça a toujours été le cas. Hein. On en construit 300-350 par an, alors qu'à la limite, il en faudrait le triple, plus de 1 000. Puis ce qu'on construit, bon, j'ai pas trop mis une photo, ce qu'on construit, c'est ce qu'on construit en France il y a 15 ans et qu'on fait plus. Hein. Donc là, sur la commune d'un Béarn, c'est assez particulier. Et puis bon, je vais là, je sais pas si j'aurai l'occasion après. Comme là où ils étaient chez eux, souvent en brousse ailleurs, ils sont habitués à une maison de plein pied. Puis une maison où les pièces d'eau sont systématiquement à l'écart, quoi. Il y a un bâtiment pour. Puis c'est pas du tout avec le couloir, salon, tout ça. Enfin, c'est pas comme ça. Et les pièces d'eau, toilettes, douches et tout, c'est buanderie un peu, bon, c'est à part. Donc, et ils veulent tous, pour. Ils ont, la terre, c'est important, tout le monde aime bien avoir les mêmes à la terre, tout ça. Ben, ils voudraient tous des rez-de-chaussée. Et donc, ils construisent des immeubles, même si ce n'est pas des tours, hein, de 4-5 étages, même être le premier, avoir quelqu'un au-dessus de sa tête, dans la mentalité canaco-océanienne, avoir quelqu'un au-dessus de soi, c'est compliqué. Quoi, avoir, donc, sinon, si je reviens là à ce que je vous disais, donc ça conviendrait bien, parce que chacun a quand même un petit lot, et chez soi, il n'y a pas son voisin à côté, certes, mais pas au-dessus de sa tête. Donc bah, ce projet, ça a été la création de 74 lots. Donc j'avais dit 182 constructions, 214 fois et demi. 174 lots. Et l'idée, et je pense que ceux-là, il faudrait que je vérifie là, mais ils sont sortis du nombre des squatteurs parce que c'est une occupation normalement temporaire. L'idée étant toujours des autorités de faire rentrer les gens dans un logement normé à terme, c'est de payer une redevance. Minimum 5000 francs, ça fait 40 euros. Et l'idée, c'est que les familles ne sont jamais, dans l'idée des autorités, jamais propriétaires de leur lot qui est à simple usage actuellement. L'idée étant de placer toujours les personnes dans un parcours résidentiel en logement normé. Donc l'idée, c'était 5000 francs minimum. Mais sinon, alors c'est ça qui a été aussi source de conflit, qui n'était pas résolu quand j'y étais l'année dernière, c'est base de 10% sinon des revenus. Et donc 10% des revenus, peut-être plus déclaratif qu'autre chose, parce que bon, il y a des tas de procédures, des stratégies d'évitement, j'en connais, donc mais ça peut commencer à faire beaucoup, quoi, 10%, parce que si. Comme je vous dis, la famille est élargie, en fait, il y a des gens qui viennent, qui restent 2 mois, qui repartent. Bon, ça, ils sont peut-être pas comptés, ceux-là, mais des personnes un peu, les parents, tout. Bon, ça peut faire finalement une somme conséquente, et puis ils n'étaient pas habitués à payer, donc c'est un peu bizarre pour eux. Alors, sinon, chaque lot a un bloc sanitaire. Ben là, je vais pouvoir vous. L'idée, c'était de mettre aux normes. Alors, ça, je reviendrai peut-être après si j'y arrive. Cuisine extérieure. Donc ça, par exemple, c'est un autre squat. Tina, une des photos que j'ai montrées au début, elle était là-haut. Donc, eh bien, ça, c'est toilette et douche. Il y a l'eau, mais à l'extérieur de la maison. Alors, voilà. Donc ça, c'était avant, en 2012, quand j'y suis allée. Piste de terre. Parfois, il y avait des petits bouts de barrière, mais c'était bucolique. Il fallait faire attention. Les chemins étaient étroits. Les clôtures, c'était en fait des arbustes, des arbres fruitiers. Vous voyez comme ça, des enfants qui passaient un après-midi, jouaient. Ça, c'était une route. Et voilà, après travaux, donc mon intercesseur, là, il avait aussi imaginé en fonction des gens. On pourra discuter comment ça s'organise à l'intérieur. Ils sont par îlot et communauté. La côte est, l'Éthiopie en même temps que Canada, en même temps que l'IFU, etc. Et donc, puis il y avait un projet avec les enfants de faire des îlots directionnels, comme ça. Bon, tout de suite, quand même, tagué. Et c'est pire. L'année d'après, ben ça c'est 2015, on n'est pas des enfants complètement plus visibles. Donc il y avait un projet avec Will et l'eau, et puis chacun avait, on va voir, bloc sanitaire, eau potable et électricité, pour éviter toute facture non payée, c'était avec un système de carte de prépaiement. Et regrouper Donc chaque lot par îlot, 7 îlots, et pour chaque îlot, il y avait des locaux à poubelles, des boîtes aux lettres, voire des déchets verts aussi encombrants. En 2014, il y avait encore 170 familles hein, sur le site. Donc certaines ont été relogées, mais sinon ils sont là maintenant. Donc ça, à peine posé, tout beau. L'année d'après, tout. Donc on s'approprie aussi. Ça, c'était les fosses septiques posées à l'entrée au moment des travaux, donc sur chaque lot. Parce qu'ils n'ont pas trop dit, c'est que normalement aussi, faudra payer à un moment donné, au bout de 4-5 ans, pour. Et les blocs sanitaires, tous pareils. Alors au début, là, on ne voit pas. Ils avaient mis aussi pour que ça marche des batteries, 80 000 francs pièce. Donc 600, enfin vous faites moins 20%, vous tirez des zéros. Et juste avec un petit cadenas, donc il y a plusieurs qui ont été vandalisés, et après ils ont imaginé, ils ont mis les batteries à l'intérieur. Puis c'est fait un peu aux normes européennes quand même, donc c'est pas. Je rentrais, c'est pas très grand, c'est pas très large, alors que parfois les populations, notamment wallisiennes, bon, ils sont quand même assez costauds et tout, ils disent c'est pas fait pour nous, ça c'est pas aux normes. Donc, et le bloc sanitaire était posé en bordure du lot. Alors certains, alors là, oui, mon appareil, vous ne savez pas, c'était drôle parce que la nuit, bon, je ne suis jamais trop allée la nuit non plus, mais là, quand je suis passée la nuit, à partir du moment où ils ont eu l'électricité, bon, on avait presque l'impression, entre les routes et tout, d'être dans un lotissement quasiment lambda, quoi, parce qu'il y avait de l'éclairage, même pour rien, quoi, ça, hein, devant les maisons. Bon, donc, la route, des caniveaux, là, tout ça, propre. Ça, c'est mes boîtes aux lettres de tout à l'heure. Et là, je vous en ai mis plusieurs, donc je peux passer assez vite. Mais il était question qu'on mette des barrières à peu près à l'organisme qui montait ça. Et en fait, chacun, il n'y a pas une barrière uniforme, chacun s'est clôturé. Et donc, j'étais assez surprise en regardant les photos parce que, bon, voyez, alors là, ça, c'était des potoirs depuis le local à poubelle. Et chacun, il y avait des responsables, quoi, par îlot, pour s'occuper. Mais bon, l'année d'après, aussi, bon, tout est gay. Ça, c'est 2015. Et pareil, à tous les poteaux. Donc là, quand l'îlot est plus calme, à la limite, mieux. Bon, celui-là, il serait l'année dernière. Et tout le monde, alors, soit se clôture, hein, en fait. D'une façon ou d'une autre, donc des taux. Ou de façon plus sophistiquée, avec des grillages. Donc, j'en ai mis plusieurs. C'est toujours le même endroit, à l'intérieur. Le côté bucolique a disparu, ils ont fait sauter quand même pour élargir plein d'arbres. Et puis, voilà, les gens s'enferment. Et là, oui, c'est une famille que j'ai rencontrée. Et. Bah parfois, justement, c'est bien d'être au squat aussi. On peut avoir les moyens et se payer un logement en ville. Donc, une de mes problématiques, c'est la part de la contrainte et du consentement. Le curseur, il est différent pour chacun. Et ça, c'est un pick-up neuf. Et, bon. Et c'est une famille que j'étais allée voir. Ils avaient un faré juste au bord de la mangrove. Comme le bloc sanitaire a été installé au bord du lot, ils ont déplacé la maison. Et là, elle est en dur sur la partie inférieure. Parce que normalement, l'idée qu'ils ont quand même intégré tous, c'est que comme c'est du provisoire, ils n'investissent pas dans du dur, quoi. C'est quand même des matériaux qu'ils peuvent récupérer et démonter assez vite. Bon, là, c'est un autre. Enfin, c'est une famille qui a été relogée. Une des premières diapositives, c'était un petit peu en bordure. Alors, ils ont gardé la cabane de pêche. Ils sont partis en relogement. Il n'y avait pas le choix parce qu'il y a une station d'épuration qui s'est agrandie. Là, c'est pylône de haute tension pour fournir le Medipôle, un super hôpital là, qui va ouvrir bientôt. Et donc, ils ont la cabane de pêche. Ils n'habitent plus là, vraiment. Enfin, il y a quand même des tentes. Et puis très souvent, la dame, elle travaille. Bon, pour discuter, c'est plutôt les femmes hein, qui portent la culotte et tout. J'ai vu plutôt des femmes aller gagner leur vie en ménage ou autre chose, et puis les hommes attendent. Ça, c'est un autre projet, je n'ai pas beaucoup de temps encore. Un autre projet, donc on pourrait. Alors, l'idée maintenant, là, oui, parce que je clôture sur ça, c'est que. Ben là, maintenant, le terrain il est revendiqué en fait par les coutumiers aussi, et puis l'idée c'est que les gens pensent bien. Les gens pensent qu'ils vont rester, quoi, qu'une fois qu'ils sont quand même installés là, c'est pour durer, quoi. Mais rien ne dit que dans quelques années, on ne les mettra pas dehors, enfin, on ne sait pas trop. Un autre projet, cette fois-ci, c'est dans. Ouais, je sais que. Il y a un d'un BA, c'était donc une, pas la commune centre, hein, la banlieue, et c'est celle qui connaît un gros accroissement le long de la voie principale d'accès. Un projet pilote d'éco-quartier à Nouméa. Le projet a pris du retard. Donc là, il y avait aussi, je ne sais plus si j'ai noté, un certain nombre de familles encore il y a 2 ans. Normalement, il a été entièrement vidé, il en a eu du retard. Personne ne veut prendre trop les décisions, mais dans une phase, ça va le faire là d'ici novembre 2018. Donc l'accord de matrimoine, c'est 98 Nouméa. Et donc d'ici 20 ans, donc avant le 31 décembre, il doit y avoir un référendum d'autodétermination. Donc là, tout le monde est un petit peu en retrait, on attend. Voilà. Alors ce qui a changé aussi, c'est en 2014, il y a eu des élections là, et puis à l'exécutif, c'est plus Pierre Frogier du RPCR, c'est Philippe Gomez de l'Union Calédonienne. Et en fait, les deux. Sur la question des squats, Philippe Gomez a fait des recours, hein, mais comme il y avait l'argent d'État, les travaux ont commencé. Mais là, plus personne trop, enfin, ils ne vont pas casser ce qui a été fait, donc ça reste comme ça. Et bon, c'est assez silence radio, on n'en parle plus. Enfin, l'idée de Philippe Gomez, c'était plutôt de faire plus de logements pour que les gens rentrent plus dans les logements plus vite. Bon. En tout cas, aucune décision, et là, c'est. Alors, ils ont un projet de 350 logements. Dans les réunions, ils ont promis aux gens que c'est prioritaire pour certains logements pour rentrer. Mais bon, là, les gens sont presque tous rentrés maintenant, je pense, dans les logements. Alors, moi, je peux revenir en arrière, je vais être trop vite. Là, voilà. Donc, une vue aérienne. Voilà, la vallée, le squat de Sakamoto, il est là. Et là, ça écrase un peu, on ne voit pas, mais je peux vous assurer, la photo d'après, une petite jeune fille, là, Salomé, qui porte sa bouteille de gaz pleine. Je l'ai descendue, montée, bon, enfin, ça fait, je ne sais pas, quelques étages, hein, quand on habite au fond. Et sans éclairage. Parce que ça, l'eau est partout, mais l'éclairage est nulle part. Donc les gens, en fait, dans les squats, ils ont. S'ils n'ont pas d'argent, ils s'éclairent à la bougie. Et puis lampe à pétrole, sinon c'est groupe électrogène. Donc c'est une des contraintes aussi, c'est sonore, dès qu'ils se mettent en route, groupe électrogène. Et ça coûte, faut aller chercher. Donc on voit les gens marcher au bord de la route, à la station au service, et puis c'est de l'ordre minimum 500 francs, donc 4 euros par jour, hein, pour alimenter le groupe, avoir un peu d'éclairage. Donc voilà. Ce squat, Sakamoto, les bananiers, il y a des tarots, des ignames, parce que quand on fait la coutume, il faut absolument avoir des ignames, sinon la coutume ne vaut rien aussi. Bon, le logement social, je vais peut-être en interrompre pour compléter. Le logement social, ben voilà, ça, à Dimbéa, il y a des grues partout, et en 2-3 ans, là, ils en ont construit sur 3 étages, parfois. Aussi, ils ont imaginé des petits jardins devant le camion et ça marche bien, les gens font. Mais enfin, c'est pour les canards, les Milanésiens, quoi, c'est être enfermé, il y avait vraiment une très grosse réticence. Bon, peut-être après, les choses viennent, on m'a dit aussi, finalement, on s'adapte à tout, mais bon, pour eux, c'est quelque chose de compliqué, quoi, d'être enfermé entre 4 murs, c'est pas du tout dans. La culture. Et ça, une jeune femme, oui, que j'avais. Ça, c'est un logement, c'est un duplex. Alors, le problème, c'est qu'ils disent. Bon, enfin, il faut faire la part des choses. Certains ont fait les calculs et une fois rentrés dans les. Rester chez eux dans leur lot, mais avec les cartes prépayées et tout, faut apprendre aussi à gérer son budget, ce qui n'est pas complètement évident. mais parce qu'il faut payer plusieurs factures. Mais finalement, on économise par rapport à quand on est dans le squat, on peut pas, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas d'électricité. Donc, ou alors ils font marcher le congélateur la nuit, mais il peut faire pendant l'été, Austral, il fait 35 degrés, hein, donc bon, ça décongèle, ça, enfin bref. Donc on ne peut pas conserver, il faut bouillir la viande, il faut acheter par petite quantité. Bon, si on arrive à être bien organisé en appartement, avec l'électricité, parce qu'on connaît nous, on appuie sur un bouton de tout, c'est. Mais d'un autre côté, dans le squat, on n'a qu'une seule facture, donc ils peuvent gérer cette facture-là, c'est l'eau. Quand ils sont dans les logements, ben, il faut payer aussi les assurances, l'électricité, les factures, les ordures ménagères et tout. Et ça va peut-être prendre du temps, il faut peut-être une génération, mais c'est parfois un peu compliqué. Voilà, j'ai fini mon diaporama, je peux revenir. C'est vrai que le temps passe vite, je ne sais pas si Ouais, il faudrait qu'on puisse passer aux j'ai questions. parlé. Oui, d'accord. Là, c'était aussi, oui, ma note, quand j'avais mis. Là, oui, je. Non, c'est pas grave, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Oui, mais on peut s'arrêter, hein, c'est pas grave. Là. Oui, il y a une question qui me vient à l'esprit immédiatement. Le phénomène que vous décrivez, le phénomène de ces squats, sont-ils une solution que prennent ces habitants pour une insuffisance d'habitat, de proposition de la part des pouvoirs publics qui, d'une certaine façon, semblent aussi y répondre en construisant? Ou bien y a-t-il quelque chose de plus en propre? Un conflit sur la symbolique du droit de propriété que vous aviez évoqué au début, entre un droit de propriété privé occidental et bien établi dans le droit européen depuis le 14e et le 17e siècle, etc. Et puis, mettons une propriété en commun qui formerait la possibilité donc de ce squat. Est-ce que c'est une solution toute bête pour une insuffisance d'habitat que les gens prennent en tant que citoyens, etc. Donc, Je crois qu'il y a les deux. ou bien il y a une lutte d'un autre ordre par en dessous. Oui, je crois que c'est clair. Peut-être pas pour tout le monde et de façon consciente, mais oui. Mais si c'est une lutte sur la légitimité de la propriété, les autorités doivent le savoir et Oui, interviennent mais aussi. les autorités sont dans le déni. Il y a quand même, donc il y en a 4 000, 6 000, enfin il y en a plus de 4 000 de toute façon. On ne peut pas, de toute façon, on peut pas. Enfin là, et les problèmes d'incivilité, par exemple, ils sont dans les immeubles, dans les cités, notamment celles qui ont été construites à la va-vite, pendant le boom du nickel de 66 à 71. En squat, finalement, ça se passe relativement bien. C'est pas là, j'étais là pendant 4 ans, je lisais les journaux, c'est pas là qu'il y a les faits divers et tout. Donc, quelque part, on fait avec, on tolère, parce que de toute façon. Mais quelque part, on a toujours la domination. Enfin, parce que je pense qu'ils sont. Il y a des services à la mairie, et on est aussi toujours dans l'assistanat, quelque part. Et on les pense toujours. C'est ça qui, parfois, les plus réactifs disent, mais on ne demande jamais notre avis, ils nous prennent pour des enfants, et quand ils proposent, quand ils ont des projets, on leur dit. Est-ce que la question que je pose est censée, pour vous, est-ce qu'il s'agit donc dans ce phénomène Je pense qu'il y a d'une aucun solution, mouvement. à un manque de mise à disposition d'habitat public, donc un défaut de politique publique, donc on se démerde, on squatte, on habite, tout ce que vous montrez, ou y a-t-il quelque chose en propre et de spécifique? Je pense qu'il y a aussi, notamment bon, là par rapport aux échéances, la montée d'un mouvement indépendantiste, notamment dans la périphérie, parce que la ville, là je ne vais pas montrer, si je revenais. Les quartiers sud, c'est blanc, c'est des villas avec piscine et tout. Les quartiers nord sont les cités. Et donc ça. Mais comment les squatteurs explique ce qu'ils font. C'est, faut bien que j'habite quelque part et je t'emmerde. Ou bien, c'est à nous. Oui, ça dépend, mais les deux. Et notamment, c'est pas la même réaction. Oui, ouais. S'ils sont Kanak, selon les îles, loyauté, quoi. Enfin, c'est très varié comme situation. Il y a quand même des lignes. Donc l'idée, eux, ça serait qu'ils aient du terrain en vie, mais le problème, c'est avoir du... Il n'y en a pas, là, en ce moment. Enfin, il n'y en a pas. Aussi, il y en a, mais je vous dis... Il appartient toujours à quelqu'un d'autre. Oui. C'est d'avoir du foncier à un prix pour, effectivement, là, les élus indépendantistes qui défendent le projet, là, notamment que j'ai montré, pour eux, c'est ça, la ville au CNN, quand même, demain, c'est d'avoir du foncier à un prix abordable, et ça ne se trouve pas, là. Donc, ils sont toujours... Il faudrait fonctionner avec les GDPL, là, maintenant, tout ça. Mais... Enfin, il y a des tas... Puis même, montent, là, des histoires, des vieilles histoires du 19e, de revendications. Parce que Nouméa, c'était, en fait, une zone marécageuse. On n'a aucune preuve. Et, justement, on s'évertue bien à ne pas en trouver, du côté des autorités. Non, aucune preuve d'un habitat pérenne, antérieur. C'était marécageux, donc ce sont les bagnards, hein. C'est pour ça aussi qu'il y a la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle française. Qui ont fait des travaux de terrassement, rasé une colline, fait les routes. Donc, ben. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ben, est-ce qu'il y a un discours indépendantiste autrement par rapport au squat ? Oui, pour eux, c'est au moins pour la. Pour les squatteurs kanaks, c'est légitime, donc c'est d'aller au bout, après de poser le problème. Mais je vous dis là, tout le monde, là on est dans l'échéance 2018. Oui, mais avant, depuis des années, justement, là, derrière la DLD et les réunions, il y avait oui, des politiques, alors notamment le PAVICA, donc Libération. Depuis le milieu des années 70, une branche un peu du FLNKS. Oui, l'idée, c'est que les Kanaks, en milieu urbain aussi, aient la terre et puissent construire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Et la part des Kanaks, puisque tu disais que c'était une population méranésienne avec des Wallisiens, etc., quelle est la part des Kanaks à peu près? Tu as une idée dans les squats? Plus de 50. Enfin, d'Europe du Sud disait 55, Wallisiens 30, et puis autres Océaniens, le reste. Moi, je pense que même, oui, deux tiers. Non, sinon, j'ai pas choisi. C'est pas complètement simple, hein. J'étais femme, blanche, se disait c'est qui celle-là, ils pensaient que je. Donc, au début, ça a pris du temps quand même avant de. Je suis pas sûre non plus qu'il m'ait pas. Non, sans me manipuler, qui n'est pas. Ils m'ont dit ce qu'ils ont eu envie de me dire, hein, parce que c'est une question très ouverte. Je n'ai pas enregistré. J'avais un petit, mais je n'ai pas fait. Je pensais que ça pouvait aussi à un moment donné me bloquer. Et puis ce qui m'a intéressée, quand je suis retournée 2014-2015, notamment avec des femmes avec lesquelles j'avais bien sympathisé, c'est de les accompagner dans leur démarche aussi, aller à droite à gauche, voir. Les courses, comment elles s'arrangeaient, pas simplement entendre ce qu'elles me disaient, mais partager des moments avec eux, ou la pêche dans le lagon, là, quand ils vont récupérer des crabes de palétuvier, donc de faire des activités. Parce que l'idée, c'était ça mon travail, c'est de leur ressenti, quoi, la réalité, leur représentation, et comme je suis en géographie, de leur mode de vie, comment ils s'approprient l'espace. Puis mon directeur de thèse, c'est pas du tout son domaine au départ d'avoir procédé comme ça par enquête, donc j'ai un peu tâtonné. Il y a une jeune femme que j'ai rencontrée sur place qui a fait une thèse sur le tourisme solidaire, une sociologue qui m'a donné des pistes aussi, j'ai lu et tout, je me suis un peu débrouillée. Bon, je pense que j'ai du matériel, Jules Pestagna que j'ai rencontré aussi, bon, j'ai eu des contacts, mais c'est un travail assez solitaire quand même, quoi, donc. Moi, je trouvais que c'était intéressant, vu justement que la parole. Les autorités causent toujours les squats, depuis le début, comme un problème, un dysfonctionnement de la ville. Jamais comme une solution. Or, bon, la situation est bien plus compliquée que ça, mais bien sûr que. Bien sûr que c'est oui, une solution. Comment tu nous as dit que tu nous dirais ta problématique au moment des questions? Ma problématique, j'ai noté, moi, si je n'étais pas déformé, ce que vous avez dit, en quoi le squat peut-il manifester une réappropriation des terres en commun, qui est une sans doute des terres. Oui. Je ne sais pas si je vais transformer. C'est dans tout la tribalisation de l'espace urbain, point d'interrogation, parce que je trouve que on est dans la ville et ce n'est pas du rural d'un côté de l'urbain de l'autre, c'est une espèce d'articulation. Donc, voir en quoi les squats sont ou pas, une tribalisation de l'espace urbain. Très souvent, on m'a dit, c'est comme à la tribu. Et en fait, le com, c'est sur le com, ça m'intéresse. Bon, bien sûr, il y a des éléments culturels, mais par exemple, quand on est en brousse, les champs, c'est immense. Ils y sont du matin au soir, ils respectent le rythme du soleil, tout ça. Bon, là, quand j'ai bien connu, notamment mon intercesseur qui est décédé, maintenant quelque part, là, c'est anecdotique quand ils plantent. Bon, quelque part, ça leur fait aussi quand même. C'est nourricier, parce que vu les prix au magasin, donc il y a des choses, ils font pousser des légumes, hein, la verdure, des salades, tout ça, mais sinon, taro, igname, des tubercules, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? C'était anecdotique, finalement. Ah oui, oui, que là, à nous, disons, oui, et puis ils plantent aussi l'arbre, le sapin, le cocotier, bon, c'est culturel, mais c'était pour dire, quelque part, il y a un Kanak qui habite là. Je suis chez moi, quoi, ici aussi. Quoi. Puis l'idée qu'une fois installé là, c'est quand même. Et puis pareil, ils sont nombreux, hein, quand même, après, ça fait plusieurs centaines sur certains îlots où ils ne vont pas être délogés demain. D'ailleurs, il n'y a pas de délogement là, c'est des procédures qui prennent des mois et des mois de préparation. Moi, j'ai assisté à des ateliers du CCAS, quoi, où des jeunes femmes viennent expliquer, enfin, c'était des femmes, mais expliquer les enjeux aussi après, quand on va dans le logement. Enfin, j'étais un peu ahurie quand même, parce que les gens, c'est des gens que je voyais, avec qui je discutais, pas très élevés au niveau des études, mais du bon sens, quoi. On venait leur dire ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire, enfin, prendre pour des gamins, quand même. Mais c'est tout à fait. Non, c'est préparé, ils sont suivis dans l'entrée au logement et tout. Ce qui coince, c'est que. Enfin, il y a une grande hypocrisie. Tout le monde sait hein, qu'il y a des squatteurs, qu'il y en a 4000, 6000. Quand on a besoin de trouver des gens pour travailler, comme femme de ménage, dans les maisons ou dans le bâtiment, quoi, on sait où ils sont. Et à la limite, on les fait travailler au noir. Et puis après, on ne s'intéresse plus vraiment à ce qu'ils vivent et comment ils vivent, quoi. Et donc, la question que j'ai cru, en quoi le squat peut-il manifester une réappropriation des terres en commun? Est-ce que c'est quelque chose... c'est moi qui l'ai écrit en vous écoutant, mais peut-être que j'ai trahi complètement votre pensée. Si je ne trahis pas trop, est-ce qu'il y a quelque chose de propre dans cette conception des terres en commun ou d'une tribalisation de la terre? Quand je dis ça, en Europe, en Occident, grosso modo, il y a actuellement une discussion extrêmement forte sur ce qui doit être commun, ce qu'est le commun par opposition à la propriété privée, etc., etc. Et d'autre part, la lutte sur les terres en commun, on le voit en Europe depuis le 12e, le 13e siècle, etc., que c'est quelque chose d'extraordinairement important. Est-ce que je suis en train de déformer votre pensée, ou est-ce qu'il y a, à travers ce phénomène de squat, et particulièrement pour ces peuples ou cette culture-là, malgré tout, une lutte en une réappropriation du commun par rapport à ce qui a été approprié de façon privative, soit par des particuliers, soit par l'État. Oui, la tribu, c'est quand même très collectif. Et donc, quand on passe en ville, on passe à quelque chose de plus individuel. Il y a quand même toujours les squats, il y a chacun chez soi, et on ne va pas complètement chez l'autre. Mais il y a des espaces communs, comme la voirie ou les natamales. Donc, que ces espèces de cafés-là qui sont ouverts le soir à partir de 16h. On va boire un verre de cava. Bon, c'était culturel avant tout. Et bon, là, c'est aussi un peu anecdotique. Les femmes viennent boire le cava. Il y a des espaces en commun. C'est ça qu'on peut être à la fois chez soi, quand même. Et puis, c'est pas aussi strict que dans la... Enfin, même si ça a changé... Mais dans les tribus, c'est chacun à sa place, son rôle dès la naissance. Et les femmes doivent se taire, elles n'ont pas la parole. Là, en ville, ben, d'ailleurs, il y a une montée en puissance des femmes, bon, c'est elles qui font plein de choses et qui portent le monde, hein, finalement. Ouais. Il y a plusieurs choses en fait, sur lesquelles je voulais revenir par rapport à ce que vous disiez, parce que, bon, étant originaire de l'Académie, juste des petits détails, mais juste par exemple par l'orthographe kanak, où vous disiez que mélanésien serait plus approprié par rapport à l'orthographe kaenaka. Il faut savoir que kaenaka, c'est une orthographe, on a réapproprié ce mot dans le sens où kanak, c-a-n-a-q-e, c'est colonial, c'est une écriture coloniale. Il y a une revendication au niveau aussi de l'écriture dans l'orthographe qui a été une appropriation en fait de ce mot. Donc il ne faut pas avoir peur de le dire, donc kanak, ça ne gêne pas, nous, enfin, dit kanak, moi je ne me sens pas, je ne sais pas, dans toutes ces... Enfin, voilà. Donc du coup, ça c'était juste pour ça. Je ne l'ai pas mis parce qu'il y a, quand même, bon, même s'ils sont deux tiers des... Il y a oui, Wallisien, mais Mélanésien, ce n'était pas moi non plus, mais... Océanien, si on parle de kanak et de Wallisien. Oui, mais quand c'était il y a 6 mois, Oui, non, je comprends, mais c'était juste pour le dire, parce que vous n'êtes pas la seule, où on va dans les conférences, on entend souvent ce genre d'aparté, en fait, où on dit, oui, kanak, on ne peut pas dire comme ça. Ça reste... on a l'impression que ça reste fragile, sensible, alors que... Non, il faudrait s'accepter, c'est justement ce souci. Donc voilà. Et aussi, c'était, je ne sais plus, c'était dans les recensements aussi que. Oui. Où, bon, ce sont des chiffres évidemment, mais il y avait moi, il y a quelque chose qui me fait un petit hic. C'est, ça ne va pas de vous, hein, ça doit venir des sources dans lesquelles vous avez dû y aller. C'est le mot métisse en fait. Métisse dans le sens où. On dit, c'est ça, 34-49, quelque chose comme ça, que dans les kanaks, oui, les kanaks et dans les métis. Bon, après, ce sont les chiffres, je ne sais pas comment s'organiser dans ce domaine-là, mais il faut savoir aussi que dans la culture kanak, le mot métis n'existe pas. C'est que c'est un mot venu aussi de la colonisation, métis, en mélangeant cela. Avant les colonisations, il y avait des échanges entre le peuple mélanésien et polynésien. Il y avait déjà beaucoup d'échanges, déjà. Et on ne parle pas de métis, on dit plutôt... de telle mère, ben voilà, il vient de là, de tel père, il vient de là, etc., etc. Donc voilà, ça c'est aussi autre chose. Et puis, ben, du coup, je voulais vous demander, est-ce que vous n'avez pas vu la case qui est en haut, en face de l'hôpital, qui est, je ne sais pas si c'est en ville, parce que vous avez dit que c'était en 2009, je ne sais plus, il y avait le grand chef Gabriel Paita, qui, il y a des terres qui appartiennent au clan Paita, dans Nouméa. Et depuis, et donc il y avait une case qui était tout en haut, en face de l'hôpital, donc il y a eu des nouvelles constructions après, et donc ça serait intéressant. Parce que je m'en suis pas, surtout les dernières années, enfin la dernière année même de ma présence en 2012, donc cette case-là. Là, pour métis, bah, c'est en fait, c'est donc il y a 9 solutions, c'est déclaratif, hein, mais européen, indonésien, kanak, vanuatu, thaïsien, vietnamien, wallisien, futumien, autre asiatique, et la catégorie 9, autre précisée, y compris calédonienne, plusieurs communautés, y compris métis, sans autre indication. Bon. C'est en ce sens où j'ai repris des choses là. Mais j'ai reconnu cette. Et la case là, qu'est-ce qu'elle a de particulier alors, c'est la case qui est sur les terres de Verdubea Kapuma, parce qu'il y a 8 pays en Nouvelle-Calédonie, 8 pays kanak, et donc qui appartient au clan Paita, parce qu'il y a un nom de famille aussi, une commune, et elle est à Nouméa depuis, alors je ne sais pas exactement depuis quand, parce que moi quand j'ai commencé à venir sur Nouméa pour mes études, je l'avais vue. Et je savais qu'elle appartenait au vieux Païta. Et après, donc je pensais que... Non, la case, c'est celle qui est à l'intérieur de la cour du musée, là, ou... Non, j'ai pas vu ça. Mais vraiment, il faut lever les yeux pour la voir. Oui, et puis il faut savoir aussi qu'en fait, dans les années 70, pendant le moment de réappropriation des terres, pardon, c'était un moyen, en fait, de revendiquer une terre. En fait, on allait sur un terrain qui appartenait, enfin, que les colons s'étaient appropriés, et en fait, les militants venaient et construisaient une case pour montrer en fait que la terre allait être indiquée et qu'on allait reprendre les terrains. D'accord. Mais c'est justement... On n'a pas le droit de construire une case sur un sol qui n'est pas... Non, mais c'est-à-dire que les terrains appartenaient aux familles, quoi. Donc eux, ils revenaient s'installer, enfin faire, c'est une sorte de... Enfin, c'est une symbolique, quoi, en fait, pour montrer que vous êtes sur un terrain que vous occupez, mais que nos ancêtres ont occupé depuis des centaines d'années. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à rebondir par rapport à ce que... Enfin, votre première question de tout à l'heure, en fait. C'est que enfin, l'implantation des squats dans nos mers, enfin, moi je le perçois comme ça, elle découle de l'histoire, c'est-à-dire que bon, ça a commencé dans les années 70, comme vous l'avez dit, mais il y a vraiment, en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est les années 80 qui sont déterminantes, la période de violence, en fait, qui était, enfin, on dit une guerre civile, mais c'était plutôt une guerre ou une guerre d'indépendance, en fait. C'était, pour les Kanaks, en fait, l'année 88, elle est déterminante dans le fait qu'ils allaient être indépendants. Et si vous voulez, l'année 88 qui scelle l'accord de Matignon, justement, en fait, pour moi, c'est un accord, un contrat de développement, en fait. Parce qu'on repousse l'indépendance à 10 ans. On va vous dire, vous avez encore 10 ans pour vous développer, et ensuite, on va redécider, vous déciderez démocratiquement de votre sort. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 88, tout le discours a changé, en fait. C'est-à-dire qu'on... c'est d'ailleurs ce qui a coûté la vie à Jean-Marie Tjibaou, d'ailleurs, après 88, c'est de passer un an à expliquer aux militants que on vous avait dit que vous allez être indépendant là en 88, mais finalement, en fait, non, là on a du travail à faire, on n'a pas de docteur Kanak, on n'a pas d'avocat Kanak, donc il va falloir se mettre au boulot, et ensuite on pourra reprendre les commandes de notre pays, c'est-à-dire au niveau des normes internationales, comme on le demandait à l'époque, on le demande encore aujourd'hui. Et donc les populations ont commencé à migrer énormément. C'est pour ça que depuis 88, le phénomène a augmenté. Et comme disait madame, le logement à Nouméa, c'est très dur de trouver un logement. Et surtout quand on est à 110 euros, enfin 1100 euros pardon, par mois. Donc les gens ont commencé à développer ce phénomène. Et pour avoir des amis qui y vivent et tout, pour beaucoup, en fait, finalement, c'est un très bon compromis, quoi. Parce qu'en final, on préfère largement vivre en squat, c'est-à-dire finalement comme à la tribu, quoi, que de vivre dans un logement entassé à 8, enfin un peu comme, je sais pas, on a des familles, il y avait le développement pour les familles africaines ici en métropole auparavant, mais comme les gens sont habitués à vivre dehors, là ils ont la possibilité de vivre dehors sans. Bon, il y a eu des moments où. Il y a eu quand même des expropriations, non pas des expropriations, mais des réappropriations des autorités publiques sur les terrains. Donc il y a des familles qui ont été délogées. Mais tant qu'on peut le faire, on préfère, pour beaucoup, ils préfèrent vivre comme ça. Et juste par rapport au fait que... je voulais vous parler de ça aussi, je ne sais pas si vous avez vu. Parce qu'on parlait de la politique culturelle, on parlait un peu de la politique culturelle aussi de la ville. Il faut savoir que même s'il n'y avait pas de destination à loger, il y a un moment où, à la place du Moins-Cas, en fait, vous voyez, à nous-mêmes, il y avait un moment où chaque aire coutumière, chaque pays, comme disait Aurore tout à l'heure, avait créé ses cases. Donc ils avaient. Ça vous fait plaisir. Et au milieu de la rue, donc ils avaient construit des cases qui représentaient chaque pays kanak. Et c'était super parce que les gens, les touristes qui viennent pour 3 ou 4 jours, enfin déjà plus. Japonais pour la plupart ou anglophones, ils ont la possibilité d'aller voir des gens au sein de la ville. Alors, la culture kanak est très peu représentée à Nouméa. Elles sont dans le désordre, mais c'était dans. Voilà, c'est exactement ça. Oui, justement, moi, c'est ça qui m'a aussi toujours frappé, c'est que. Et ça a démarré aussi ce mouvement après l'identification de l'îlot chinois, quoi, et présence kanak en ville. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Par rapport à l'hypocrisie de la mairie de Nouméa, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est moi, on durait quelques semaines sur la place. Et chaque heure. Et la mairie est venue au bulldozer les raser. Parce que c'était sur du terrain public. On connaît l'histoire. Et juste dans la même année, en fait, ils finançaient la création d'un quartier chinois au milieu de Nouméa. Il y a peut-être plus d'argent du côté d'Achille. On est dans un contexte colonial et ouais. Post-colonial et encore colonial aussi. Toujours colonial. Et donc, d'aller mettre le canac, il est quand même quelque part toujours relégué. Ah oui, non, mais ça c'est... Donc, c'était... Et où en est la situation maintenant, puisque là, on parlait de 2018, là, d'ici 2018, comment vous voyez les choses se dessiner? Moi, personnellement, je sens qu'il y a beaucoup de tensions encore, beaucoup d'incompréhension, et voilà, dans un milieu... C'est vrai que c'est encore avec une atmosphère coloniale, c'est très dur de communiquer, de partager. Il y a des écarts dans nous-mêmes, même hilarants, une classe aisée, vraiment riche, et en bas, tu vois, les squatteurs, etc., etc. Et ça crée des inégalités partout. Après, on peut rentrer dans le débat, ça va être trop long. Dans l'école, dans le milieu scolaire, c'est encore très colonial, on ne parle pas de la Nouvelle-Calédonie, même dans la Nouvelle-Calédonie même, où on va en parler juste descriptivement, dans le sens historique, tel est arrivé là, ils sont là, et c'est tout. Et donc voilà, moi, je ne sais pas trop comment ça va. Bon, voilà. Le pari d'intelligence que tu disais tout à l'heure entre Jean-Marie Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, qu'on baisse les armes, et je parie que bon, pour Jean-Marie Tjibaou, que moi, mes enfants pourront accéder au diplôme, etc., etc. Là, aujourd'hui, je ne sais pas, on en est où. Ouais, c'est pessimiste, quoi. Non, si, il y a des améliorations, je ne dis pas, on n'est pas pessimiste, sinon on ne serait pas là à étudier, mais, ouais. Mais je veux dire que voilà, c'est le manque de communication, vraiment, qui est venu. Moi, ce que je voulais savoir, donc, il n'y a pas grand-chose pour Nouvelle-Calédonie. Bon, comme Benoît il disait tout à l'heure, on a parlé de Sankara, du Burkina Faso. Lui, il était pour les indépendantistes. Ça lui coûtait la vie aussi, à cause de ça aussi. Parce que la France, il voyait qu'il intervient dans les affaires de la France quand il a dit... Il faut que Nouvelle-Calédonie soit indépendante. Donc maintenant, on est où aujourd'hui pour les idées indépendantistes? Est-ce que ça va aboutir un jour ou pas? Ça, c'est l'avenir le dira. Mais y a, si on regarde un peu les chiffres électoraux, par exemple les dernières provinciales, parce que nous, on vote une fois en fait en Calédonie, il y a les trois provinces. On vote pour une seule province et ensuite c'est la proportionnelle en fait. Et ensuite les élus qu'on a mis en place à la province, eux, vont constituer le gouvernement collégial. En fait, le gouvernement, il représente toutes les tendances politiques. Il suffit qu'un parti atteigne les 5% et il sera représenté au gouvernement en fait. Ils sont 11 à siéger en fait à la collégiale. Et les dernières élections, c'est quoi, c'est 40-60, enfin, le niveau des partis indépendantistes, on va dire, c'est 40% au provincial. Et le scrutin, par contre, qui régit les électeurs pour le référendum en 2018 est encore plus restreint parce qu'il faut justifier d'une résidence de 20 ans en Nouvelle-Calédonie. Et donc, il y aura une partie de la branche européenne qui sera écartée, donc il ne pourra pas voter. Mais le projet est toujours en cours. Mais vous, par exemple, du coup, du fait que vous êtes en train de faire vos études en métropole, vous ne pourrez pas voter non plus? Ah si, on vote. Oui, tous les natifs du pays ou d'accord. Les parents ayant un parent canal peuvent voter. Et ça se dessinerait apparemment sur, selon ce qu'on pourrait faire comme pronostic, ce serait du 45-55. Mais ça serait toujours, les indépendantistes seraient toujours minoritaires. Donc, baser ça sur la base d'un référendum, on connaît aussi les valeurs des référendums, c'est toujours un peu relatif. Donc là, actuellement, il y a des discussions en fait, de couloirs qui sont en train d'être faites. C'est pour ça qu'on attend de visite de Manuel Valls et des ministres de l'Outre-mer qui viennent en Calédonie tous les ans, régulièrement, parce qu'il y a plein de discussions et de comités qui sont amorcés pour discuter en fait, de l'aboutissement d'un troisième accord. Donc plutôt que d'aller au référendum... En fait, on referait comme ça se fait depuis l'année 88, dans tous les cas. 88, on a repoussé. On a dit, au moment où, si vous avez en tête la prise d'otage d'Ouvéa, le paroxysme de la violence en Nouvelle-Calédonie, on a décidé de stopper pour 10 ans. Arrivé 10 ans après, on a dit, on stoppe pour 20 ans. Et là, moi, ça ne m'étonnerait pas que d'ici de l'année prochaine, on nous mette en place un projet pour dire qu'on n'ira pas au référendum. Et parce que les autorités ont très peur aussi de ce qui peut se passer. Parce que même si ANP, comme je disais tout à l'heure, c'est un contrat de développement. Mais du coup, le contrat de développement, il équivaut aussi à envoyer de l'argent dans tous les sens. C'est-à-dire que la France a injecté énormément d'argent dans l'économie. Et il y a une forme aussi un peu d'endormissement. C'est classique. Ah oui, ça, c'est un grand classique. Et du coup, repousser 10 ans, repousser 20 ans, peut-être là, on va nous dire 30 ans, je sais pas. Et qui sont les autorités que vous nommez comme ça hein? Pour ben là, c'est des discussions entre la, on va dire, les élus du Congrès et les hauts fonctionnaires français, quoi. Donc, surtout l'exécutif. Donc ça, c'est les commissions du ministère d'Outre-mer, du Premier ministre. Et même en Calédonie, déjà, il y a des discussions qui ont été faites entre élus calédoniens. Il y a des rapprochements récents entre Calédoniens. D'ailleurs, Titeratum, vous avez dit tout à l'heure, Philippe Gomez, UC, c'est Calédonie Ensemble. Oui. C'est un peu... Oui, il y a des rapprochements déjà entre les Républicains et un parti assez progressiste qui est Calédonie Ensemble, qui est très représentatif en Calédonie, et qui ont ensuite débouché, on sait plus si récemment s'est prononcé en faveur d'un éventuel troisième accord. Il y a pas mal de... Là, les indépendantistes sont le FNLS et contre... Daniel Gouad de l'UIC a dit qu'il n'était pas contre un troisième accord. L'UIC, c'est le gros parti du FNLS. Donc, il restera encore le palika à convaincre. Est-ce qu'il vaut mieux un troisième accord ou est-ce qu'il vaut mieux un référendum avec 45-55? Qu'est-ce qu'il vaut mieux à votre avis? À l'état actuel social de la Calédonie, le référendum, au début, plus jeune, c'est vrai que je crois énormément et tout, mais après, quand on commence à grandir, on devient plus lucide. Et c'est vrai que, au regard de la situation sociale en Calédonie, il ne faut quand même pas le nier, il y a pas mal de soucis au niveau des vols, des violences. Et ce serait pas non plus à exclure qu'il y ait des violences qui réagissent en tous les cas. Quand on connaît le potentiel mobilisateur qu'il peut y avoir en Calédonie, surtout autour de la question de l'indépendance, qui est la plus stimulante, on va dire, pour les gens. En Écosse, c'est évidemment très très différent, mais le gouvernement anglais savait très bien ce qu'il faisait en faisant les élections à cette date-là. Il les aurait faites un an après, il perdait le référendum, c'était l'indépendance. Hein. Donc, parfois, ça peut-être être plus intéressant d'attendre un peu, puis parfois, au contraire, c'est complètement contre-productif. C'est difficile. Non, juste par rapport à ce que vous disiez, la réappropriation du commerce, c'était la question. Je trouve que c'est difficile à y répondre parce que déjà dans la conception de la culture canac, l'homme appartient à la terre et donc la notion de propriété n'existe pas. Donc dire que les squats à Nouméa ça serait une réappropriation du commun, ça serait un peu paradoxal, mais je pense que ce serait aussi une réappropriation du commun au niveau politique aussi, donc plus revendicatif que culturel, parce que dans la tête, dans l'accord d'alternance, dans cette conception-là de la culture, on arrive quelque part, on se dit est-ce que la terre m'acceptera ou pas ? Je peux me rejeter, je peux avoir des mots, après n'importe quoi, sans se sentant pas bien, etc. Ce sera toujours ça dans la conception de la culture canac. Donc après, pour la représentation du commun au niveau de l'univers, c'est assez. C'était juste une parenthèse parce que ça. Est-ce que je peux vous demander par rapport à notre ami, mais selon vous, alors, ce fait, ce mouvement de squat, de quoi est-il la manifestation? La malaise. C'est pour l'aider. Non. Parce que on peut toujours faire attention quand on prend un tel phénomène comme ça, avant qu'on ait fini. Il touche à tout, on se retrouve avec un fait social total, mais en fait, on peut aussi s'emparer d'un fait social, comme ce mouvement de squat, et donc, à travers lui, d'un seul coup, apercevoir des tas de dimensions de la société qui sont mises en résonance, en mouvement, etc. Alors, je ne sais pas si ma question est fondée ou quoi que ce soit, mais peut-être que notre ami aimerait bien vous entendre. Oui, je pense que c'est un peu de bon, c'est Christophe Sand que je rencontre aussi, là, qui me disait c'est au cœur des délires calédoniens depuis 15 ans. Et puis, on est largement dans le déni, on tourne autour. Et c'est étonnant, moi, je trouve qu'il n'y ait pas de travaux dessus. Hein. Géographie urbaine, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de travaux de géographie, mais rien là-dessus. Quoi. On va travailler sur le nickel. Rien là-dessus, parce que c'est vraiment une question qui fâche. Quoi. Donc, à la limite, les gens qui viennent faire comme moi des contrats de 4 ans, on est plus serein. C'est ça que je me dis que... De toute façon, en général, dans les sciences sociales, si on travaille sur les sujets qui fâchent, on risque d'avoir moins de perspectives de carrière. Il vaut mieux travailler sur les perspectives. Non, mais c'est comme ça. Hein. Je n'ai jamais un poste. J'ai rien à prouver à la retraite dans quelques années, donc je suis totalement libre. Et puis on ne m'a rien payé, pas un voyage, rien, donc je suis totalement libre de ma parole. C'est pour ça que tu travailles là-dessus, toi. Je sais pas, je suis tombée dans. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors parfois, c'est vu mes contraintes, c'est un peu comme ça, mais il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui me. Et je repars. Je me dis, non, je ne peux pas lâcher là. Ça va me demander du temps, de l'énergie, mais il faut que j'aille au bout, quoi, parce que quelque part, j'ai quelque chose à dire sur la question. Et pas trahir les gens qui... Ce que j'ai partagé, certaines personnes, c'est des heures et des heures. Hein. On a partagé des moments, j'ai fait des choses, je suis allée à la pêche au crabe, tout. Enfin, je veux dire, quelque part, je me le dis quand je pense que voilà, il faut que j'aboutisse, c'est que même si c'est pas 600 pages, moi, si j'en fais 300, je serais contente. Ça me permettra aussi d'avoir un retour, parce que donner la parole des oubliés. Oui, c'est ça qui m'intéresse. C'est très intéressant comme travail, parce que souvent on a les travaux des autorités qui viennent faire des sondages, des recensements, et puis on va avoir 2-3 articles, mais c'est vrai que là, ça nous permettra d'avoir un regard au cœur. Justement, moi je voulais vous demander si dans les questions, par rapport à la discussion qu'on avait là sur le référendum et l'avenir institutionnel, est-ce que c'est arrivé dans vos entretiens ou des moments que vous avez partagé avec les gens dans les squats, est-ce que vous en avez parlé un peu de leur dimension, enfin, des dimensions politiques, de leur pensée politique, ou c'est des questions qui arrivaient rarement? Ça n'arrivait pas comme ça. Parce que par rapport au comité, vous avez dit qu'il revendique des comités de revendication donc pour des améliorations logistiques, ça ne venait pas, non, de dire « Ah, mais eux, ils ne s'occupent pas de nous » ou « Au contraire, ils s'occupent de nous ». Non. Là, quelque part, j'ai l'impression que les gens... Non, ils ont trouvé certains, ou pas forcément calmés, un apaisement quand même aussi, là. Et ils pensent que d'aller là au mur, ça peut... Oui, puis tout le monde veut quand même le beurre, j'ai du beurre, et ça me sort de la crémière, donc c'est pas évident. Voilà. Tu disais qu'il y avait le... Surtout, je pense aussi, le travail qui est en jeu, le travail pour eux de squatter là, parce que voilà, il y a le travail animal, etc. Et du coup, est-ce que vous n'avez pas vu aussi dans vos enquêtes des personnes qui partaient de la tribu parce qu'elles avaient des problèmes dans la tribu? Si, un peu, mais toujours, les gens ont quand même, cette canaque, vous savez. Des stratégies d'évitement, donc là où je pensais que je pouvais... Si, des malaises. Je pensais justement des gens arrivés aussi après 88, que c'était... Bon, si, j'en ai rencontré quelques-unes, des personnes, mais c'était quand même pas la majorité. Donc, parce que justement, étaient pour ou contre pendant les événements sur la côte Est, et que ça avait provoqué une implosion, et que certains étaient aussi partis à ce moment-là parce qu'ils étaient dans deux camps irréconciliables. Il y a un petit détail, quand vous avez parlé des squats, vous avez dit l'importance de la femme. Oui. Et moi, ça m'est revenu en tête, que j'ai vécu en Afrique, c'est que les femmes quittaient les tribus pour s'établir en ville quand elles avaient des problèmes. Mais j'en ai pas trop rencontré Mais vous avez donné vous avez donné déjà l'aspect objectif en disant les femmes ont le pouvoir. Vous l'avez dit. Ouais. Et par contre, rappelé, elles n'ont pas du tout dans la tribu. Ça me paraît étonnant. Non, c'est faux. Dans les gens qui sont venus s'installer. Oui. Contrairement, par exemple, contrairement aux Arabes, dans la culture musulmane ou dans la religion musulmane, où après, je ne connais pas l'Afrique, donc je ne pourrais pas en parler ni les autres cultures, mais en Mécanonie, personnellement, enfin moi, dans ma famille, dans mon clan, les femmes, déjà, les femmes, elles ont un certain pouvoir parce qu'elles portent le sang. Donc, c'est important chez nous, le sang, c'est la... Là, c'est tout. Il y a une coutume, c'est des amphithérins, c'est la famille de la femme qui gère, entre guillemets, l'enfant et tout, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort. Même à la mort d'un canac, les coutumes revend à la famille de la mère, enfin, du côté de sa mère, c'est le sang qui retombe. Donc, il y a une place de la femme qui est importante. Après, je pense que c'est universel que la femme a des problèmes, dans le couple, au travail, etc. Et qu'après, bon, c'est vrai que à certains moments, c'est plus dur pour la femme dans ce cas-là, parce que voilà, c'est elle qui part, elle part de la famille, elle n'a plus de lien avec sa famille, mais en même temps, elle ne part pas coupée parce qu'elle part, elle fait des liens. C'est elle qui crée les routes, donc elle a une certaine place assez importante entre des chefferies ou entre n'importe quoi, telle femme va se marier avec tel homme, elle crée le lien entre deux familles. Et donc elle a une certaine... Et justement, je vous demandais ça tout à l'heure, parce que de la vue de la tribu, enfin... Quand moi je suis à la tribu, ceux qui sont la plupart dans les squats, pas tout le monde, mais en majorité, c'est ceux qui ont eu des problèmes dans les. Ou des unions, des mariages, ou des recompositions familiales, des choses, etc. Les gens ont souvent une histoire familiale parfois. Il y a eu un accident quelque part à un moment donné, très fréquemment. Vous êtes de quel. Moi je suis des Yéguen. Moi, je suis de Poitiers, enfin de Poitiers, mais je vis à Poitiers. C'est du pays de Jean-Marie Tchiba ou alors c'est... Oui, c'est... Là, je veux bien qu'on échange... Là, je n'ai pas mis la famille Diaporama, mais je crois, quand je suis à Rennes, je ne sais pas si vous êtes étudiant ici. D'accord. Moi, j'habite en Trégor. Hein. Moi, je suis à la fin. Moi, je rentre pour entreprendre et faire mon doctorat aussi. Donc, qu'on puisse échanger. Et lui aussi, il est pas digne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et donc là, j'avais préparé, bien sûr, mais c'est vrai que là, je vais m'y remettre mi-juin, juillet-août, parce que je tout en travaillant comme prof dans un lycée à temps complet, là, c'est vrai que les choses... Moi, je suis pas de même là-dedans tout le temps, donc... Et à Gilles Garnier, maintenant, comment ça se passe? Il y a plus de récits dans les classes? L'idée c'est que moi j'ai trouvé du temps où j'étais, hein, parce que ça fait déjà 3 ans que je suis partie. Après on pousse quand même aussi un peu les élèves, quoi. Il y a quand même des classes en S et par exemple en ES, quoi. Donc parfois la barre elle est quand même très haute, hein, parce que ce qu'on demande, le bac français en histoire géographie, c'est. Donc là les résultats, on ne sait pas. Puis on rattrape beaucoup aussi en deuxième partie à l'ORA. Mais non, c'est pas extraordinaire. Mais voilà. Non, c'était une belle expérience. D'avoir travaillé même dans ce lycée et tout, d'avoir été au Grand-Est 3 années. Franchement. Là, la douzaine de squats ou la douzaine que j'ai visité. Non, franchement, ça a été du bonheur, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que j'appelle, parce que sinon. Et de rendre quelque part quelque chose, quoi. Vu que. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vu ça. Que, en tant qu'expat, là, enfin, sur 4 ans, mais. Ça va, quoi, on vit bien, donc c'était de rendre aussi quelque chose au pays. Attendez-vous quand même, je suppose, à ce que. Quelqu'un dans votre jury vous demande mais qu'est-ce qu'il y a de particulier de ce squat-là par rapport aux autres squats à travers le monde. Je vais vous emmerder avec ce petit peu de blanc, mais c'est partout où on va, ailleurs c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a en propre ? Qu'est-ce qui est spécifique, etc., qui fait que vous êtes, vous avez éliminé là-dedans ? Parce que j'y étais, quoi. Comme elle disait tout à l'heure, les gens qui vivent là-bas, ils travaillent, les gens qui sont dans les squats, mais ici en France, par exemple, les gens qui sont en squat, pas une grosse différence. On n'a pas l'hiver. C'est déjà une bonne aide. Bon, ben, merci beaucoup. Merci.